Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Damage ont le plaisir de vous présenter Tajrid al-Ittiba' wa khatar tark al-haq li ara' al-khalq wa ma yusamma bil-ishrak fi ar-risala li akhina al-shaykh Abi Hatim Sa'id bin Da'as al-Yafi'i rahimahullah ta'ala. Un cours donné par le frère Mounir Al-Maghribi, Hafidhahullah Ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Al-Salafiyya Tibi Damaj, au Yémen. Cours numéro 3. Nous demandons à Allah Subhanahu Wa Ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wahda. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الشيخ سعيد رحمه الله تعالى تفويض معرفة الحق إلى عالم معين وترك الحق لرأيه تنزيل له أو تنزيل له منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة والعصمة. نعم، فقدم بيان ذلك وسيأتي الآن يعني توضيح أكثر، أي تفويض معرفة الحق، أي أن الحق يبقى venir que de ce عالم et en même temps ترك الحق لرأيه. فهذا سمونتخ أن لا بيرسون إلى مي سو شيخ سو عالم إلى منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الموقف الصحيح أن العالم مهما بلغ من العلم والفضل والتقى والورع فإلى با معصوم، فلا ينبغي اعتقاد أن التسكيديس حق. كذلك أن سي الحق لفغانوتخ لا يجوز ترك الحق من أجل فلان، لأن هذه كما نرى auparavant c'est la place du prophète عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. Ça c'est manzilat al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui fait un amal autre que le amal d'un bachar, il le contredit bi haq bi dalil, inshallah son amal il est pas mardou. Ça nous montre la place du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. قال فالأخذ بقول غيره صلى الله عليه وسلم واتباعه والاقتداء به على الإطلاق وتفويض معرفة الحق إليه دون غيره أو ترك ما ظهر صوابه وموافقته للحق لرأيه المجرد ولو كان من أهل العلم تنزيل له منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الآن celui qui a ce اتباع مطلق il accepte le قول de العالم ولو s'il se trompe. فهذا لا شك أن il a mis cette personne في منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا كثيرا لأثر الإمام مالك وابن عباس رضي الله عنه إلا غفقت مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال تنزيل له منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه والتزام قوله وفعله وإقراره مطلقا ولا يدعو إلى هذا ولا يدعو إلى هذا ولا يقوله ولا يرضى به تجاهه أو تجاه غيره عالم ناصح متبع متجرد لدين الله. تقدم معنا أن هذا من أعمال الجهال المقلدة. أما العلماء إذا بلقى هذا أبدا ولو سي sont suivis dans certains cas aveuglément c'est pas eux qui appellent à ça. وهذا سنتنبه مهم أن c'est pas chaque personne qui est suivi أنه il est responsable. لا. كم من العلماء الآن الإمام أحمد الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة يسون سويفي أحيانا بتعصب بعض الناس يدنس الحق pour leur قول ils n'ont aucun ism fi hada, les alaoum, ils n'ont pas appelé à hada, abadan. Bel, ils ont montré aux gens de suivre la sunna. Lakin ba'd an-nas kama ta'lamu al-jahl wa al-hawa, ils pensent qu'il faut absolument suivre fulan. Wa ta'ammal يعني ما يفعله النصارى اتجاه عيسى عليه الصلاة والسلام يعبدونه من دون الله إلا إلوهية منزلة الربوبية الألوهية ولا شك أن عيسى رضي الله عيسى عليه الصلاة والسلام بريء من هؤلاء هذا مهم أنا نحن on explique ce كلام on sait très bien أن العلماء ils sont براء من هذا أي غجت هذا لكن نحن ننصح الآن الجهال Al-Juhal, ou ceux qui n'ont pas beaucoup d'ilm, qui pensent que le fait de suivre un alim dans tout, c'est ça le haq. Hada, amma al-ulama, kulluhum, ils sont contre hada, walillahi alhamd. Qala, wa la yarda bihi tijahu wa utijah ghayrihi alimun nasihun muttabi'un muttajirun mutajarridun lidinillah. إن هذا شأن الجهلة المتحذلقين المتطفلين على العلم هذا فصح حال الجهلة تقدم معنا أن المقلد سبا عالم بالإجماع المقلد سان جاهل لماذا؟ لأن pourquoi il suit aveuglément لأنه لا يوجد علم فإلا plus que ça pour lui alors qu'il y a des solutions il pourrait demander il pourrait faire des efforts et يطلب العلم حتى يفتح الله عليه لكن vu que il fait pas d'efforts وَيَرْضَ بِدَالِكِ il est satisfait de sa situation c'est un مقلد il n'a pas d'ilm il ne reste plus qu'à suivre aveuglément قَالَ فَغَيْرُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَا يَخْلُو مِنْ عَدَمْ عِلْمٍ بِحُكْمٍ نعم قَالَ فَغَيْرُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَا يَخْلُو مِنْ عَدَمْ عِلْمٍ بِحُكْمٍ لَهُ فِي قَضِيَّةٍ مِنَ الْقَضَايَا أَوْ مِنْ قُصُورِ إِلْمَامٍ بِمَسْأَلَةٍ مِنَ الْمَسَائِلِ نعم والله expliquer هذا كثيرا La personne est infaillible à part le prophète alayhi salam et les prophètes et les messagers avant lui. La personne ne connaît pas tous les ahkams. Et il ne connaît pas toutes les masa'il. Il peut oublier. قال أو خطأ وزلل كذلك. Il peut avoir une erreur, il peut avoir une rafla. قال بل الحي عرضة للفتنة في دينه. كما قال ابن مسعود. قال رضي الله عنه الحي لا تؤمن عليه الفتنة. Que la personne elle est vivante, qui qu'il soit, mahma balagha min al-ilm, la tu'man alayhi al-fitna. Wallah, il n'est pas ma'assoum min al-kufr, fadlan ali al-dhalal ou al-bid'a ou al-khata. Min al-kufr, la personne il n'est pas ma'assoum. Personne, mahma balagha min al-fadl ou al-ilm, il peut se prétendre, il est ma'assoum min al-kufr, de sortir de l'islam. Mais la personne il demande al-salama ou al-afiya. Fama baluk al-khata ou al-zalal ou al-bid'a, min babi awla. أو خطأ وزلل بل الحي عرضة للفتنة في دينه وكم من عامل بعمل أهل الجنة ختم له بعمل أهل النار نعم كما جاء في الحديث combien de personnes il faisait des أعمال من أعمال الجنة حتى أدخل بي الجنة ذراع il est tout proche ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها كما قال عليه الصلاة والسلام هذا يدي سبب هذا كما on a expliqué في درس الأربعين النووية هذا سبب le manque d'ikhlas c'est سبب عظيم في هذا أما celui qui s'insère ويعمل بعمل أهل الجنة et il veut le haq فالله سبحانه وتعالى يهديه ويوفقه لكن هذا ce genre de personnes c'est eux ils ont fait des causes ils ont fait ça de leur propre main حتى ils se sont égarés كما قال سبحانه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين تأمل cet exemple الله سبحانه وتعالى nous a cité في القرآن الكريم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الله lui a donné ses آيات أي لا جعل لكن الشيطان اللي قاغي قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه هذا الآن إلى فيديو علم الله lui a donné من فضله من آياته لكن deux choses ils l'ont égaré cette personne son attachement à la dunya ولكنه أخلد إلى الأرض كذلك Et il a suivi ses passions. Ça vous montre, ya jama'a, Anna parmi les causes d'égarement, même pour celui qui a du ilm, c'est qu'il s'accroche à dunya et il suit ses passions. Il n'accepte pas le haqq. Il pense que c'est lui, le mardi, il pense que c'est lui qu'on doit suivre absolument. Allah, la personne, il peut être conseillé. Conseillé, il peut être conseillé. Ben, si c'est bi haqq, il accepte. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى il a comparé un كلب un chien يلهث والعياذ بالله. La personne, il fait attention. La personne, il fait attention. La mas'ala, c'est pas que l'ilm. C'est pas que la compréhension. La mas'ala al-azima, c'est on applique hada l'ilm. Et la mas'ala al-azima, c'est le tawadu' lil haqq wa li ahli. Et la modestie. Allah, il peut t'éprouver, t'as pas compris la mas'ala, ya akhi. Lakin, celui qui veut le haqq, il le recherche. Mais c'est, il demande. Voilà, il rejette hakada bila ilm. Ou il suit ses passions. Ou il suit le kathra. قال الشيخ رحمه الله وإن كان الأصل حسن الظن بأهل العلم الناصحين الذين عرفوا واشتهروا بالعلم والسنة والصلاح والتحري والتجرد والإنصاف هذا سس الأصل سس المنطق ولله الحمد أن هذا الشيخ رحمه الله ينبه له غسبه أهل العلم سس الأصل غسبه أهل العلم ولزم في الله لكن قال وهذا لا يعني اتباع الواحد منهم لكن ça implique pas notre amour envers les ulama qu'on en suit un et on le met à la place du rasoul tout ce qu'il dit c'est haq et tout ce qu'il rejette c'est que c'est le batil ou s'il n'a pas parlé dans le mas'ala c'est parce que c'est pas du haq et si ça serait le haq il aurait parlé peut-être qu'il sait pas, peut-être qu'il a mal compris la mas'ala, peut-être que des gens mauvais ils lui ont menti, ils lui ont fait croire des choses. Enfin, notre amour envers l'ulama, ça n'implique pas qu'on en suit un. Bi'ayni. Avec tout ce qui dit, c'est haq. Abadan. Qala. Waltizam qawlihi ala l'itlaq. Au tarku l'haq wa s-sawab li ra'yihi wa qawlihi bila dalil. Lima sabaqa bayanah. N'am. Lianna hadhi manzilatu nabi alayhi sallallahu alayhi sallam. Ça, c'est la place du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam. Al-ittiba' al-mutlaq. Laysa li ahad illa li nabi alayhi sallallahu alayhi sallam. Et il y a beaucoup d'adillah via d'albab, on les a cités plusieurs fois. قال كيف والواحد من أهل العلم ممن له قدم صدق في دين الله قد تكون منه الزلة كما قال ابن القيم والذهبي وغيرهم من أهل العلم. نعم هذا زي بالإجماع أن العالم مهما بلغ من العلم والفضل والمنزلة الرفيعة عند الله il n'est pas infaillible. Abadan. Il peut se tromper. Comme il a cité certains savants qu'ils ont montré à Ibn al-Qayyim ou al-Dhahabi. قال وبناء على هذا نهى أهل العلم المشهورون بالاتباع وتحري الحق والبعد عن التأثر بالتقليد والتمذهب نهوا عن التزام قول سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. Si tu as compris هذا الآن أن autre que le prophète صلى الله عليه وسلم il peut se tromper. Ce savant, il peut pas tout savoir, c'est un être humain. C'est un qawl de ce savant qui est mukhalif lil haqq, tu le sais, on t'a montré. Et des autres savants, ils ont montré, ils ont écrit. Enfin, là, il y a juste de le suivre. Si tu le suis, c'est que tu as un ittiba' mutlaq lah. Et ça, c'est min khususiyat al-Nabi alayhi salatu wassalam. Qal wa tark ma'adah. Wa raddihi wa law wafaq al-haqq wa s-sawab. Halala al-musiba al-an. Halala al-musiba. Si tu le suis dans tout. Et le haqq il est vers un autre. Enfin, obligatoirement tu vas rejeter le haqq, il n'est pas vers ce chien. Al-an, ça, c'est khatir. Comme a dit Azza wa Jal, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ça, ça nous montre, comme on a expliqué dans la kalima qu'on avait faite, أن من أعظم أسباب الفتن, c'est délaisser le haqq. قال وَجَعَلُوا ذَلِكَ مِنَ الْإِشْرَاكِ فِي الرِّسَالَةِ وَالطَّاعَةِ. أهل العلم. On va lire l'un des paroles de savants. Ils ont montré un hada, c'est min bab al-shirk fi risala. Ou badoum, ils l'appellent fi l'ittiba'. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نوحده في الاتباع. Ce que certains savants ils appellent توحيد الاتباع أو توحيد المتابعة. C'est que pour le Nabi sallam. Si tu suis autre que le Nabi sallam, un ittiba mutlaq, tu as associé cette personne au prophète sallam dans l'ittiba. حيث نزل العالم بذلك منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي le fait de le suivre dans tout. فهذا c'est la place du prophète عليه الصلاة والسلام. كما قال العلامة ابن أبي العز الحنفي في الاتباع قال فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مسلما إلى عالم واحد وأصحابه ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شبيه بقول الرافضة. صحيح أن ابن أبي العز يموضح أن هذا الدين دين الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé ce messager pour le suivre. Personne à cette place illa ar-rasul alayhi wa sallam. لماذا لأن si on met quelqu'un à cette place on a associé au prophète alayhi wa sallam. Comme il faut al-rafida. كما قال وهو شبيه بقول الرافضة. الرافضة بعضهم ils ont une عقيدة أن leur imam il est معصوم. Ils ont une عقيدة في علي وفي أبنائه في أهل البيت. Alors ils sont معصومون. Tout ce qui dit c'est حق. Tout ce qui rejette c'est que c'est faux. ويكذبون عليهم. الغالب يكذبون عليهم. لكن من أفراد الصحابة علي رضي الله عنه وغيره ils sont pas معصومون. Ce qui est معصوم c'est إجماع l'unanimité des صحابة. أما صحابي peut se tromper comme on va voir قصة ابن عباس avec أبو بكر وعمر. فلا يجوز لا يجوز qu'on suit واحد مطلقا et on pense que tout ce qui dit c'est حق. لا يجوز هذا. هذا من التشبه بأهل الباطل بالرافضة وبغيرهم يتعصبون لأئمتهم حتى يغشت لا parole de أهل الحق. قال رحمه الله وقال أيضا أي ابن أبي العز ففي الفطرة السليمة حسن اتباع الحق لأن اتباع هذا العالم متعين دون هذا العالم إلا أن يدعى أن هذا العالم معصوم عن الخطأ لأن سلاء نعد. قال وقال أيضا رحمه الله ففي الفطر السليمة حسن اتباع الحق لا أن اتباع هذا العالم متعين دون هذا العالم. هذا حتى الفطرة السليمة اللي مصيب الحق فلا يجوز كما قال لا أن نتبع هذا العالم متعين دون هذا العالم أبدا لا أحد يقول بهذا. أي تا plusieurs savants et ce savant il mérite d'être plus suivi que l'autre. أبدا هذا c'est منزلة الرسول. أما les savants si c'est des savants de la sunna on les aime tous et on prend leur aqwal tant que c'est حق on prend. Si c'est faux Inch'Allah la vérité elle sera vers son frère un autre savant وهكذا. قال إلا أن يدعى أن هذا العالم معصوم عن الخطأ في اجتهاده دون غيره. Sauf celui qui prétend que ce savant il est infaillible. قال ولا يدعي هذا عاقل. Une personne qui a la raison أبدا il prétend هذا أن ce savant un savant parmi les savants de la sunna il est infaillible. أبدا الإجماع يرجد ça الفطرة يرجد ça العقل يرجد ça. Ça ça montre أن ceux qui appliquent ce منهج باطل ils sont malades. Ils contredisent la sharia, ils contredisent l'aql, ils contredisent la fitra. قال فإنه يكون قد أنزله منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أي الاتباع المطلق si le donne un sheikh parmi les mashayikh, il accepte tout ce qu'il dit, il l'a mis à la place du prophète عليه الصلاة والسلام. العلماء علماء السنة المسلمون ils doivent avoir un comportement avec eux. Tu dois les aimer fillah. Tu dois les respecter. Tu dois leur demander si tu ne sais pas. Lakin les placer au-dessus de ce manzila, un parmi eux, un ou deux, un ou trois, non, ils ont toujours raison et les autres ils ont tort. Là, il y a tout ça. هذا c'est من الغلول. C'est ça le غلول. قال ولذا صرح العلامة أبو محمد عبد الحق ابن عبد الواحد الهاشمي رحمه الله في كتاب عقيدة الفرقة النادية بتقريض الإمام ابن باز رحمه الله في إنكاره التقليد وكانوا يعني أهل بلاده يسخرون مني ويقولون وكانوا أي les gens de son pays يسخرون مني ويقولون إني على ضلالة وعمى. هذا ce cheikh الآن, ce savant Abu Muhammad Abd al-Haq al-Hashimi rahimahullah, il appelait son peuple à ne pas faire de taqlid. Ils l'ont qualifié yaskharuna minni wa yaqulun inni ala dhalalatin wa ama. Ils l'ont accusé d'être ala dhalal, d'être un égaré, d'être aveuglé, et ils se moquaient de lui. Ça te montre, ya akhi, anna si t'appelles au haq la taslam min kalam an-nas, la taslam. T'appelles au haq, les gens ils te critiqueront. Ils ont critiqué ar-rasoul qablak. Ils ont critiqué les sahaba ba'd ad-dullal. Ils ont critiqué a'immat al-huda. Tu seras critiqué. T'amènes mon cœur à l'imam. قال لأني أفتي بتحريم التقليد وتركه. الآن c'est quoi son ذنب عند هؤلاء؟ Pourquoi il le critique؟ إلا parce qu'il a mis en garde contre le taqlid. Eux ils se sont divisés, les anoums c'est des muqallida. Ils l'ont critiqué. Est-ce que ça lui a fait du mal؟ Abadan. Abadan. قال وأقول هو الإشراك في الرسالة. Il leur a montré ce qu'ils font, c'est du shirk. C'est du shirk في الاتباع في الرسالة. قال وذلك أني كنت أقول لهم من قلد شخصا مخصوصا لا يترك قوله أبدا ولو كان مخالفا للسنة وكان بغير دليل فكأن هذا الرجل جعل الإمام شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة. Il leur a expliqué, بيان واضح. أن celui qui suit une personne quelconque autre que le prophète عليه الصلاة والسلام et il rejette le haq min ajlih, il n'accepte pas le haq, voilà aussi vers un autre et il le suit même s'il sait qu'il attend, il a du rouleau via de chars et il l'a placé fi manzilat al-nubu, il y en a celui qui est suivi dans tout, c'est le prophète alayhi salatu wa sallam. وقال العلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في فتح المجيد معروف من أئمة السنة لبتفيز لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال ويقولون يعني المقلدة هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد ويقولون يعني المقلدة هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث صحيح ça c'est leur réponse. الآن si tu les conseilles il va dire ouais mais Cheikh Foulan il sait mieux que toi. Ça c'est pas l'azim dans toutes les masaïles. Là chaque que c'est un savant il est a'lam maintenant que beaucoup de personnes. Lakin est-ce que ça veut dire qu'il est infaillible? Là. Normalement la réponse de Haoula, montre-moi ta preuve. C'est quoi ton argument? Comme quoi je dois pas le suivre dans ça, s'il s'est trompé. Si tu lui montres l'argument et t'appuies avec des paroles des autres savants, là ishka. Lakin ba'dhum ils sont hakada. Ahyana nisak t'as le haq, lakin pour te repousser. Ouais, mais tu sais mieux que Cheikh Foulan. Qala هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسقه ومنسوقه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والاعتماد على ما يجوز عليه الخطأ. العلماء مثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن مثل هذا الكلام سبصفى معه أبدا إلى خطأ لأن نحن peut lui répondre. Il nous dit mais est-ce que tu sais mieux que Cheikh Foulan. نحن peut lui dire est-ce que tu sais mieux que الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا la question c'est pas ça, la question c'est est-ce qu'il a le haq ou pas. Rejette pas le haq, demande si tu sais pas, demande. قال وغيره من الأئمة يخالفوه ويمنع قوله بدليل فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم ولا كله. هذا خاصة أن السجمان كيف تخبه تتخبغ الحق بغن تخمه. هذا سي أوتوماتيك, هذا لابد لأن الحق واضح لظاهر كما قال عز وجل لا تزال طائفة من أمتي على الحق. أما وجود الحق بهذه الشبه فتعلمون ما في هذا من خطورة. قال قلت أي شيخ سعيد وما أشبه الليلة بالبارحة أي سكي سباسي على الوقت de Cheikh Abu Muhammad Abd al-Haq al-Hashimi. كذلك ce qui s'est passé à l'époque de Cheikh Abd al-Rahman ibn Hazan. كذلك ça se répète. كما يقولون التاريخ يعيد نفسه. دائما les mêmes شبه دائما les mêmes problèmes avec أهل الحق دائما الآن cette époque أهل الحق ils ressentent هذا مع المقلد يا أخي سوى الحق ouais mais Cheikh Fulani c'est mieux mais ils sont plusieurs mais il est plus vieux هذا الكلام هذا الكلام alors que le mas'ala si on doit tous revenir à sunnat al-Nabi عليه الصلاة والسلام si on a tort montre-nous avec sunnah avec le Coran أما مجرد un شيخ et tu délaisses les autres il peut avoir tort voilà chaque avis قال قلت وما أجمل الليلة بالبارحة فهذا الذي نسمعه بين الحين والآخر من دعاة التقليد الأعمى المتطفلين على العلم نعم ceux qui appellent au taqlid on a dit on le répète أنهم c'est pas des علماء أبدا أبدا même s'ils font apparaître أنهم c'est des دعاة إلى الله ils sont قليل العلم قال وليس من أهل التحصيل حيث يضربون بالدلائل عرض الحائط نعم وهذا لا يجوز فالواد دليس لأدلة خاصة les gens que Cheikh Saïd Rahimahullah ils visent l'âme ils ont les capacités ils ont la capacité de chercher de trouver de demander ils ont طلب العلم هذا لا pas droit de l'adilla il les délaisse أبدا إما il les prend إما il nous montre que les adilla ils ne sont pas à leur place une des deux أما يغجت هكذا الشيخ فلان إلى دي لا يجوز قال ويلجأون إلى الاعتماد الأعمى المطلق على من يجوز عليه الخطأ نعم أي غير النبي عليه الصلاة والسلام قال أو فوات العلم بالمسألة بهذه الحجة الجاهلية أنا مع الأعلم أو عليكم بالكبار أو العالم الفلاني أدرى وله نظرته وبصيرته وفهمه deux شبه أو trois بعضهم صحيح تلو موت تناقشه بأدب تلو veux son خير il te répond لأنه il peut pas te contredire dans ce que tu dis لكن pour s'écarter et il pense que tu vas te taire يقول moi je suis l'a'lam نحن lui répond est-ce que c'est l'a'lam أولا il faut voir si c'est lui vraiment le plus savant cette personne que tu dis si c'est vraiment le plus savant est-ce qu'il se trompe jamais obligatoirement il doit nous répondre non il peut se tromper enfin on lui montre enfin ça c'est parmi ses erreurs et on lui montre enfin la haja de ce kalam ana ma'al a'lam non tu dis ana ma'al haq ana ma'al haq لأن si on suit l'a'lam à cette époque on prend tous les aqwals de Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Albani et on ne regarde pas les autres si on fait ça alors on va plus loin on prend tous les aqwals de Cheikh Al-Islam le Taymiyyah il est a'lam alors on va plus loin on prend tous les aqwals de l'imam Ahmed et on devient des muqallidat du madhab al-hanbali الحقيقة هذا سنبل تعصب للأشخاص لأن سبا كذا وما بقى ابن عباس رضي الله عنه إلى شوزي قول إلى بقى القول دو أبو بكر عمر على وقت سلي بلسا من لكم منوتي أبقى البروفة عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز هذا تتعجب ديس الشبه قال أو عليكم بالكبار كذلك أولا cette مسألة il faut bien la comprendre أن العلماء السلف الصالح ومن بعدهم quand ils disent الكبار c'est الكبار بالعلم c'est pas l'âge أبدا ابن عباس رضي الله عنه à son époque il faisait partie de الكبار et il était jeune معاذ بن جبل رضي الله عنه من الكبار il était très jeune il est mort il n'avait pas la quarantaine بعض الناس يpensent que الكبار c'est tu prends le rôle de celui qui a un âge avancé et celui qui est plus jeune il a forcément tort أبدا à ce compte là les savants qui sont présents dans la communauté des savants contemporains on regarde c'est lequel le plus âgé maintenant on va dire c'est Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad c'est un des plus âgés ensuite où c'est Aqwal أبدا il n'est pas ma'assoum il se trompe حفظه الله enfin c'est pas un mizan عليكم بالكبار لا عليكم بأهل الحق الكبار c'est أهل العلم نعم si il vise عليكم بالكبار أي ceux qui ont العلم الحق peu importe son âge طيب أما بعض الناس لا عليكم بالكبار لأن il pense que فلان il est plus jeune que فلان il a forcément tort هذا ما ندري ce mizan ils l'ont cherché ما ندري la chacun à la personne plus il a un âge avancé plus il a les moyens d'apprendre ça c'est واضح مثلا un savant il a 50 ans في العلم un autre savant il a 20 ans في العلم la chacun à celui qui a 50 ans il a plus de talent Il a vu plus de choses, il a lu plus de choses, il a entendu plus de choses. Lakin, est-ce que ça veut dire que le vieux, ou le plus vieux, il a forcément raison et le plus jeune, il a forcément tort? Vous voyez, on a le masala, ils l'ont mélangé. كذلك يقولون العالم الفلاني أدرى وله نظرته وبصيرته وفهمه. هذا هنا on a répondu avec le calame d'Ibn al-Qayyim. هكذا بعض الجهال أن فلان il est أعلم il sait forcément. هذا c'est pas à l'étlaq. S'il s'est trompé, il s'est trompé. قال وغيرها من عبارات الجهال إلى آخره. ثم قال la page suivante. قال il va citer الآن أقوال أهل العلم في هذا. Et ça c'est مهم. Ça c'est مهم لأن هذا المنهج الآن qui nous explique الشيخ سعيد رحمه الله. لا تظن أن celui qui l'a inventé ou celui le premier qui appelle à cela. أبدا. الآن il nous a cité des أدلة من القرآن من السنة. الآن on va lire كلام أهل العلم. لأن هؤلاء souvent بعض الناس tu les entends il faut revenir au kibar, il faut revenir au kibar, il faut revenir à fulan. الآن on revient à Cheikh l'Islam, il va citer ses paroles. On revient à Sahaba ibn Abbas, il va citer sa parole. Ibn Umar, il va citer sa parole. بعض الناس. Et c'est ça le mouchkila, c'est qu'ils ont résumé ou ils ont restreint l'ulama à 1, 2 ou 3. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. Ça c'est un منهج conçu, c'est un منهج nabawi. C'est un منهج salavi. Il n'est pas restreint à 1, 2 ou 3 ou 10 personnes. C'est manhaj al-Rasoul avec la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les imams de la guidée qui les ont suivis. C'est ça manhaj al-Salam. Pas restreint à wahed. Wahed, il va se tromper et tu vas t'égarer. Et c'est ce qui se passe là. Wahed, si tu te fixes à wahed, tu penses qu'il a toujours raison. Demain, Allah est éprouvé, il se trompe. Lui, il est excusé. Parce que c'est un mujtahid, c'est un savant. Mais anta, qui c'est qui va t'excuser? Anta, t'as pas fait d'effort. Tu qallad. Tu suis aveuglément. يجب علينا أن نتقي الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هوى ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الحق معه فهذا من أهل الجاهلية. أي celui qui suit ou qui défend ou qui appuie la parole de quiconque autre que le prophète صلى الله عليه وسلم alors qu'il ne sait pas le délit. Il ne sait pas. Cheikh Fulan Matalan, il dit cette chose. Lui, il ne sait pas pourquoi il dit non, il a forcément raison. Hada, c'est min ahl al-jahiliyya. Aïe, il ressemble à ahl al-jahiliyya. Ahl al-jahiliyya, ils avaient ce ta'assub. Ils avaient ce ta'assub. Ils n'avaient pas le suivi du prophète alayhi salam. Là, imma c'était la majorité, imma leur pays, imma leurs ancêtres. لا يجوز التشبه بهؤلاء. قال وإن كان متبعه مصيبة لم يكن عمله صالحا وإن كان متبعه مخطئا كان آثما. Et ça c'est une faïda. أن ولو si tu suis un cheikh et il a le haq, تأمل. On ne parle pas de s'il a tort الآن. S'il a tort on a compris. الآن تأمل un cheikh il a haq. لكن أنت tu le suis بجهل. Je ne sais pas pourquoi il a haq, tu le suis. Cheikh l'Islam, rahimahullah, il montre wa in kana matbu'u musiban lam yakun 'amaluhu salihan. C'est pas un amal salih, hada c'est du ta'assub. C'est du ta'assub. Lianna tu le suis et tu ne sais pas pourquoi. Walaw il a haq. Walaw il a haq, tu n'as pas le droit de le suivre aveuglément. Fa nastafid min hada anna même si Cheikh un tel il a le haq, on doit savoir pourquoi. On doit savoir. Et si on sait pourquoi, on le suit parce qu'il a le haq, pas pour la couleur de ses yeux, pas pour son âge. Il a une longue barbe, ou il n'a pas de barbe. Ah, ben, c'est pas un mizan. عند أهل الحق. قال وإن كان متبعه مخطئا كان آثما. أما s'il le suit aveuglément sur une erreur, c'est pire. C'est pire. Enfin, on a deux cas. Il le suit aveuglément et son cheikh, il a raison. Ou un cheikh, quelconque, il a raison. هذا لا يجوز له. C'est pas un amal salih, comme قال شيخ الإسلام. Deuxième cas, il le suit sur une erreur. Là, c'est pire. هذا c'est pire. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى رحمه الله في الكلام على عذر أهل الاجتهاد ولكن إذا عرف الحق بخلاف قوله لم يجوز ترك الحق الذي بعث الله به رسوله لقول أحد من الخلق. Si tu connais le haq dans une mas'ala. Et on a déjà montré qu'il ne faut pas forcément être un savant pour connaître le haq dans certaines mas'ala. La ahad yaqul bihada. Abadan. Fa al-an, si tu connais le haq dans une mas'ala, tu n'as pas le droit de suivre autre que ce haq pour la parole de quiconque, qui qu'il soit. قال لم يجوز ترك الحق الذي بعث الله به رسوله لقول أحد من الخلق أبدا لا يجوز قال وذلك هو الشرع المنزل من عند الله وهو الكتاب السنة وهو دين الله ورسوله لتكن كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله لا يجاهدون على قول عالم ولا شيخ ولا متأول بل يجاهدون ليعبد الله أو ليعبد الله وحده ويكون الدين له عز وجل ها فحتى notre prise de position dans une fitna ou autre, on défend Ahl al-Haq. C'est pas parce que c'est Cheikh Foulain, ce qu'il est ton pays, ou c'est ton Cheikh. Ou... Non, c'est parce que c'est du din. Enfin, fil haqiqa, quand tu as sur le din que ce savant, il appelle. Pas mujarrad huwa. Hada, si on a ce mawqif, le jour où ce Cheikh, il appelle pas din al-Haq, il se trompe, on n'a pas à le défendre. Ou appuyer son qawl. Ah, on dit il est mukhti. Et si c'est un savant de la sunna et il a une excuse, enfin, il est excusé, Inch'Allah. Voilà. وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ في كتاب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة ساسا موقف طيب ساسا موقف سلفي الآن أن ستولي لبغول دي سابو ساسوا دان ليفو que ça soit de nos jours, sur internet, ou t'écoutes un audio, ou on t'a rapporté un kalam, une personne de confiance, bah, tu dois avoir une position. Khassatan inda al-fitan. Qala an ya'ridaha ala ma fil kitab wa sunnah. Ce kalam l'an de ce savant, il est pesé avec le kitab wa sunnah. Si t'as la capacité, anta, la personne s'en talib ilm, c'est un da'i ilallah, c'est un savant. Il pourra peser lui-même. Si la personne est da'if l'ilm et il ne sait pas, il demande. Il lit les paroles et il demande. Pourquoi Cheikh Foulain il a dit ça? Maintenant, deux cheikhs, ils sont en khilaf. Un dit Foulain c'est un mubtadi, l'autre dit c'est pas un mubtadi. Maintenant, le haq il est un. Un des deux cheikhs il a raison, forcément. Maintenant, dans les deux paroles, c'est deux savants de la sunna. Enfin, là, il y a juste, tu dis non, forcément lui il a raison, l'autre il a tort. Tu ne sais même pas la misra. Tu lis les deux aqwal et tu demandes à un savant, il y a cheikh, pourquoi Foulan il a dit ça, pourquoi Foulan il a dit ça. Et tu verras que le haq il est clair, il est wad. Enfin, si le cheikh, maintenant, il a critiqué un innovateur quelconque et il a montré, il a fait ça. Il a dit ça dans sa cassette. Il a appelé à ça. Il a combattu Ahl Sunnah. Mouhim, il fait un djaf moufassa. Un deuxième, il montre qu'il a un husnuddan faqat. Et il le connaît. Il y a longtemps, il dit, moi je connais que du khay. La chèque, tu vas faire passer le savant qui a emmené les adilis. La chèque, elle. Et tu respectes l'autre. Il ne savait pas. Ou il n'a pas su. Ou il lui a menti. Ou il a basu alay. Hadi l'a'adhar qu'on trouve à Ahl al-Haq. هذا سي مهم يا جماعة هذا الموقف الآن المذكور في فتح مجيد اللي مهم الآن سي موقف يزوغا أبليكي تبيغيك لفتنة الجيمينيوغي جدا والله الجيمينيوغي جدا أما الآن المصيبة واحد إلى قول إيفو بلو لدريسي تلو مونت تنصحه بالرفق إيفو بلو لدريسي تعصب صفة لا ديفيزيون تبقى أنت لسويف Là, chacun de toi, tu vas appeler à autre chose. Et tu vas montrer qu'il a tort. Et ça commence à diviser. Lakin, celui qui s'est entêté, c'est lui le responsable. Amma al-haq, il peut faster. Abadan. Abadan, il y en a, ça égare des personnes. Enfin, il montre, il y a tawakkalun ala Allah. Et s'il y a un égarement, enfin, yom al-qiyama, ceux qui ont appelé à l'entêtement, enfin, il y a tahammaloun ala. فإن كل مجتهد من العلماء ومن اتبعه وانتسب على اجتهادهم وانتسب إلى قال ومن اتبعه وانتسب إلى مذهبه لابد أن يذكر دليله لابد. لأن الآن on a deux savants, on a deux قول, on sait qu'un des deux il a forcément raison. لابد les deux citent leur دليل. مثلا on va voir le premier شير يا شير t'as dit c'est un مبتدع, c'est quoi ton دليل? Il va nous citer مثلا il a fait tant, il a fait كذا, il a fait كذا. On va vers le deuxième يا شير tu dis que فلان c'est pas un مبتدع, ما الدليل? C'est quoi ton دليل? Il y en a فلان il dit كذا. Si on voit qu'il n'a pas de réponse, voilà je comprends la personne qui a critiqué. لأنه il a parlé بعلم. وتعلمون أن المقرر عند أهل العلم أن من علم حجة على من لم يعلم. Ça c'est une قاعدة في دين الله. Celui qui sait, c'est une حجة, c'est une preuve par rapport à celui qui ne sait pas. هذا لماذا؟ لأن ce qui est élevé c'est العلم, c'est pas la personne. Enfin maintenant le savant qui montre avec des preuves que فلان سا مبتدع, son قول c'est une حجة, on doit le prendre, c'est le حق. ولو 1, 2, ou 10, ou 100 ils l'ont خالف. قال فالمنصف أو قال نعم لابد أن يذكر دليله والحق في المسألة واحد. هذا الآن la divergence entre savants, أولا ça nous montre que les savants ils sont pas infaillibles, لأن الحق il est un. فمثلا خلاف entre شيخ بن باز et شيخ الألباني, لا شك un des deux il a raison, un des deux il a tort. لابد هذا. On ne peut pas dire les deux ont raison, ils se contredisent. Si tu sais ça, tu dois rechercher ce haq. Est-ce que le haq il est forcément par rapport à l'âge? Abadan. Il n'y a aucun dalil à ça. Abadan. Est-ce que le haq il est par rapport à un endroit? Foulan il est au Maroc, Foulan il est en Algérie, il est au Yémen, il est en Arabie Saoudite. Est-ce que le haq, ça va être par rapport à l'endroit? Abadan. Est-ce que le haq ça va être par rapport au nombre? Ils sont 100, ils sont 1000, ils sont 2, ils sont 10. Ça n'a rien à voir avec le nom. Tout ça, ça a à voir avec le hujja. C'est pour ça que l'imam, le cheikh Abdrahman, il a dit « Labud an yadkur dalila ». Alors, nous, on est au milieu d'une fitna, au milieu d'un khilaf, on doit rechercher les dalil. Où qu'il est dalil, on s'accroche. Voilà. « Qal wal haq fil mas'ala wahid, wal a'imma muthabun ala ijtihadihim ». Naam. Naam. Ils sont ma'jourim. Ils ont thawab. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر ولو سيستخدم له أجر سيلا غزو إلى دو لا دو دو بون ريكومبونس. قال فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله وتأمله طريقا طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. هذا الشيخ فين غشيخ يستعين بالصبر والصلاة والدعاء كما قال عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة في الدعاء. Et son objectif c'est le haq. Et ses recherches, il va aboutir, il va conclure anna fulan parmi les savants il a le haq. Il le suit. Il ne le suit pas parce que c'est fulan ou parce que c'est son shir. Abadan. Il le suit parce que c'est le haq. Et les autres, s'il peut conseiller, il conseille. S'il peut montrer, il montre. Et le savant qu'ils ont trompé, qui s'est trompé, inshallah, il est récompensé par rapport à son haq. Enfin, on le respecte. Pas besoin de ta'an. On le respecte. Il a des a'adha. Et al haq, il est aqwa et il est a'adham. Enfin, on le suit. قال ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه لمن خالفه في متعة الحج. نعم تعلمون أن الحج il y a plusieurs façons de le faire, ce qu'on appelle التمتع, ce qu'on appelle الإفراد, ce qu'on appelle القران النسك. الصحابة اختلف اختلف cette مسألة. Nous, on ne va pas la détailler. Aïe, c'est quoi le qawl sawab? Nous, ce qui nous intéresse, c'est le mawqif, la position de Sahaba. Al-An, Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a choisi at-tamattu'. Le fait de commencer par l'umrah, comment tu coupes l'ihram, tu rétrécis tes cheveux et t'enlèves l'ihram. Et tu as le droit de faire tout ce que tu n'avais pas le droit de faire pendant l'ihram. Le jour du hajj, at-thamin min dhil-hijjah, le premier jour de Tarwiya, tu remets l'Ihram à Mecca, où que tu te trouves à Mecca, et tu commences le Hajj, tu vas à Mina. Ça, c'est Qawl ibn Abbas. Et c'est Sawab. Abu Bakr et Omar, là, ils ont choisi un autre Qawl. Fal'an, ta'ammal, Le khilaf est entre qui? Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Omar. Les deux, ils ont marié leur fille au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ses compagnons. Qala, wa lidha qala Ibn Abbas radiyallahu anhu liman khalafu fi mut'ati al-hajj bi ra'y Abi Bakr wa Omar annahuma la yarayaniha. Aïe, Abu Bakr et Omar, ils pensaient que le mieux c'était pas de tamattu. Léana Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pas fait. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé de le faire. Les Hadab ibn Abbas, il a pris son qawl. Et c'est le qawl al-sawab. Qal, wa yarayan, afdaliyat al-ifrat. Al-ifrat. Aïe, tu ne fais pas rentrer l'umrah fil hajj. Là. Al-ifrat, aïe, t'emmènes ta bête et tu fais le hajj. Et t'enlèves le ihram le jour où t'égorges la bête. Le jour où tu te rases les cheveux. Après Arafa. Ah, ils ont choisi ce qawl. قال قال أراكم ستهلكون أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. Ibn Abbas, là, il a parlé avec certaines personnes de cette mas'ala. Il leur a montré son qawl. Il a un dalil. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré si il devait refaire le hajj, il le ferait en tamattu. Aïe, il ferait l'umrah, il enlève l'ihram, il se taille les cheveux et il refait l'ihram pour le hajj. C'est ça le tamattu. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré si là, il devait refaire le hajj, il ferait ça. Ibn Abbas, il a conclu que c'est mieux. Al-Nabi, il avait l'intention de le faire. Ba'dannas, ils ont entendu hada, ils ont dit, mais Abu Bakr et Omar, ils ont dit, kada, aïe al-ifrad. Ibn Abbas, il a répondu, arakum satahlikum. Aïe, vous êtes sur un chemin, vous allez périr là. Aqulu lakum, qala Rasulullah, je vous dis, al-Rasul, il avait l'intention de faire kada, wa taquloun, qala Abu Bakr wa Omar. Al-An, ces personnes, au lieu de suivre la hujja qu'Ibn Abbas il avait, ils ont pensé que vaut mieux suivre Abu Bakr et Omar. Il y en a, ils sont plus anciens, ils savent plus. C'est pas ça, ça. Al-Haq, il était avec Ibn Abbas. Malgré qu'il est tout petit, malgré qu'il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam moins longtemps, malgré qu'il avait moins d'ilm qu'eux, c'est un de leurs élèves. Ibn Abbas, c'est un élève d'Abu Bakr et Omar. Mais Al-Haq, il était avec eux. Limada, l'Anna, il avait Al-Hujja. Son dalil, il est qawi. Je ne peux pas le khalif. Celui qui le sait, la yajouz mukhalafatou, liannahu, c'est sunnat al-Nabi alayhi sallam. Et al-khilaf al-hajj, il est wasi', vous le verrez bi-idhnillah en détail, fi durus al-fiqh. Wa qala, wa fi sahihayn, an ibn Umar. Deuxième exemple. Ces exemples, ils sont tayyib, liannahum, c'est al-sahaba. Wa ta'lamouna, anna al-salafi al-sunni, c'est après le qawl d'Ibn Abbas. Arakum tabhathoun. Après le qawl d'Ibn Abbas, wa fi sahihayn, an ibn Umar. Qala, on disait que les salafis sunnis souvent, et c'est le haq, on prétend suivre les sahaba. C'est ça, les salafis. C'est suivre la sunna avec la compréhension des compagnons et des savants après. Fal'an, c'est amtila et son mohim, léana, on a l'exemple de les sahaba. Ibn Abbas, on l'a lu, le premier exemple. Fal'an, le deuxième exemple. Qala wa fi sahihayn an ibn Umar, radiyallahu anhuma, annahu amara bil mut'ah. Deuxième sahabi, il a le même qawl qu'Ibn Abbas. Aïe pour le hajj. Ibn Omar, كذلك. Il a su que le mieux c'était at-tamattu. Il a dit aux gens de faire at-tamattu. Aïe, commencez par l'umrah. Qala, annahu amara bil mut'ah. فاحتج عليه أناس بمخالفة أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ألا تتقون الله رسول الله أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر رضي الله عنه. نفس الشيء page 19. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه أمر بالمتعة فلا من قضيك ابن عباس قال فاحتج عليه أناس بمخالفة أبي عمر بن الخطاب. بعض الناس ils ont dit à ابن عمر لكن ton père Omar ibn al-Khattab, il a fait l'ifrad. Ibn Omar, il a répondu, « Ala tattaquun Allah. » Ça montre que cette hujja, elle n'est pas à sa place. L'homme ibn Omar, il emmène un kalam de Rasoul, la position du prophète par rapport au hajj. On n'a pas le droit de khalif avec la parole de quiconque. Pourtant, Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhum, c'est afdal hadil umma. Lakin, ça montre qu'ils ne sont pas ma'soum. Ça montre qu'ils ne sont pas ma'soum. Fama baluk bi ghayrihim. Qala, رسول الله أحق أن تتبعوا سنته أو سنته أم سنة عمر رضي الله عنه. Il aura répondu بهذا. Est-ce que l'un on suit سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة عمر؟ لا شك on suit سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله nous a ordonné de suivre le prophète عليه الصلاة والسلام. فهذا. Ces deux exemples, c'est des exemples طيب يعني موقف الصحابة. قال الشيخ سليمان. قال الشيخ. le cousin de Cheikh Abdurrahman, le petit-fils كذلك de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, صاحب تيسير العزيز الحميد. قال معلقا على أثر ابن عباس. نعم إذا علق الآن الأثر ابن عباس إلى السيتي في كتاب التوحيد. قال فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر عنها أي هما أعلم منك وأحق بالاتباع. نعم فالسلوي كونتخدي ابن عباس إلا كونتخدي بهذا الكلام أي il lui a répondu dès qu'Ibn Abbas lui a montré le haq, il lui a répondu لكن Abu Bakr et Omar ils sont أعلم منك. قال هما أعلم منك وأحق بالاتباع. Et sahih, أن Abu Bakr et Omar ils sont أعلم. هذا لا شك فيه. لكن est-ce que ça implique que quand il y a un khilaf entre eux et Ibn Abbas, c'est forcément Ibn Abbas qui a tort? Là, là, c'est pas صواب هذا. قال فقال هذا الكلام الصادر عن محض الإيمان وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن خالفه من خالفه كائنا من كان. Cheikh Suleiman رحمه الله il appuie قول ابن عباس et il montre qu'il a raison. ولو celui qui l'a خالف c'est أعلم الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم le deuxième عمر. لكن الحق il est avec ابن عباس لأنه il avait الحجة. Et أبو بكر et عمر ils sont pas infaillibles, ils peuvent se tromper. Et مسألة الحج القول الصواب c'est que القول بالتمتع il est أقرب والله تعالى أعلم. إن شاء الله نترك ما بقي يوم السبت بقي قليل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.